Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Pourquoi es-tu triste parce que tu n'as rien à manger pendant les périodes de fête? Regarde à ton Dieu, le miracle est encore possible. Oui, tu dois être fier de ce que tu connais Jésus. La Bible déclare que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Lève-toi, fléchis les genoux et tu verras la gloire du Seigneur. Réveille-toi, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille tes enfants. Nous allons prier. Celui qui pourvoit tous nos besoins, c'est Yahvé Jiré. Nous sommes à OSB, opération sous la brèche. Marc chapitre 6, 45 à 56. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Lisons Marc 6, 45 à 56. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sous la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car les vents leur étaient contraires. À la quatrième veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sous la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils les virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils les voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus parcoururent tous les environs et l'on se mit à apporter les malades sur des lits partout où l'on apprenait qu'il était, en quelque lieu qu'il arriva, dans les villages, dans les villes, ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on les priait de leur permettre seulement de toucher les bords de son vêtement. Et tous ceux qui les touchaient étaient guéris. Amen. Nous allons partager quatre vérités tirées de ce passage. Première vérité, nous devons apprendre à faire l'équilibre entre le ministère et la vie de prière, surtout lorsque nous sommes engagés dans un ministère, tel que le ministère de la prédication, tel que le ministère des pasteurs, d'évangélistes, d'apôtres. C'est bien d'être toujours actif, d'être toujours en train de prêcher, d'aller évangéliser, de chasser les démons, mais il faut équilibrer. Après avoir exercé le ministère, on a besoin de se retirer pour passer du temps de prière. Il faut qu'il y ait l'équilibre entre le ministère que nous faisons et notre vie de prière. Parce que c'est par la prière que nous nous ressourçons dans la présence divine. C'est ce que Jésus nous apprend ici. Regardez, il est dit au verset 45. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Le verset 46 dit, « Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. » Nous devons apprendre parfois à renvoyer nos foules, c'est-à-dire à nous détacher des activités quotidiennes, à nous détacher parfois du ministère pour aller sur la montagne pour prier. Deuxième vérité, lorsqu'il y a un vent contraire, nous devons nous attendre au secours surnaturel de Jésus. Lorsque le soir étant venu, dit le verset 47, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Et le verset 48 dit, il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Le vent contraire, c'est quoi? C'est-à-dire lorsque tu veux avancer. Par exemple, dans ton dossier de recherche d'emploi, il y a un vent contraire, une situation qui vient pour t'arrêter. C'est-à-dire, c'est ça le vent contraire. C'est-à-dire que tu veux aller de l'avant, il y a un vent maintenant qui vient pour te faire reculer. Le vent qui est contraire. Tu veux te marier, mais il y a un vent contraire qui vient pour bloquer, pour t'empêcher d'entrer dans ton mariage. Tu veux voyager, tu veux obtenir le visa pour aller, je ne sais pas, en Europe, aux États-Unis, mais il y a un vent contraire. Peut-être ça peut être une maladie, quelque chose qui te bloque, qui fait que l'argent que tu avais, tout est fini. Quand tu as un vent contraire qui souffle sur ta vie, je vais te dire à toi, il y a un vent contraire qui souffle sur tes finances, de telle sorte que tu n'avances pas. Chaque fois que tu veux avancer, il y a ton argent, soit on t'a volé, soit il y a un problème, soit ce sont des maladies. Non, lorsqu'il y a un vent contraire, j'aimerais te dire que Jésus est capable de t'apporter un secours surnaturel. N'aie pas peur à cause de ce vent contraire, parce que Jésus est là, il est la solution à ton problème. Vous voyez, Jésus voyait que le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit environ, il est dit, il alla vers eux marchant sous la mer et il voulait les dépasser. Est-ce que tu vois, Jésus lui-même voit ces vents contraires que tu traverses, qui cherchent à te bloquer dans tes affaires. Tout ne marche, rien ne marche dans ta vie, mais Jésus est là, il veut venir vers toi. Est-ce que toi-même tu as confiance en lui? Est-ce que toi-même tu connais Jésus? Si tu ne le connais pas encore, il faut l'appeler au secours pour dire, Jésus, c'est de toi dont j'ai besoin. Regarde ce vent qui souffle sur ma vie, un vent contraire, un vent qui m'empêche d'avancer. Troisième vérité, l'endurcissement nous pousse à paniquer et à oublier les miracles divins. Les disciples, lorsqu'ils ont vu Jésus marcher sur la mer, ils se sont dit non, c'est un fantôme. Vous savez, il y a des fois où il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est Satan qui opère les miracles. Jésus ne peut pas opérer des miracles, c'est Satan. Lorsqu'il voit un fait surnaturel, non, ça c'est le diable. Vous voyez, parfois les uns nous surprennent. Le diable n'est pas plus fort que Jésus. Jésus est au-dessus de tout. La Bible déclare que Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Devant le nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Si Jésus est Seigneur, quel est ce miracle qui ne peut pas opérer? Quelle est cette maladie qui ne peut pas calmer? Toi, tu paniques parce que on t'a dit que ton diabète là est devenu dans un stade final. J'aimerais te dire que Jésus est capable de te guérir. Crois-le, ne pleure pas. Regarde à Jésus, un miracle est encore possible. Oui. Parce que Jésus-Christ, il est Seigneur, il est tout-puissant. Quand tout est fini, quand tout est désespéré, attends-toi à un miracle. Mais l'incrédulité nous empêche parfois de reconnaître les miracles de Dieu. Vous voyez ici, quand nous lisons ce passage, il est dit au verset 51. Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tout stupéfaits et remplis d'étonnement. Car ils n'avaient pas compris les miracles des pains parce que leur cœur était endurci. Vous voyez, Jésus venait d'accomplir les miracles de pain. Il a nourri plus de 5000 hommes à partir de 5 pains et 2 poissons. Mais on dit, ils n'ont rien compris. Quand on est endurci là, on oublie même ce que Jésus a fait. Je vais parler à une femme. Regarde bien. Tu as souffert à un moment donné d'hémorragie, de perte de sang. On ne savait même pas diagnostiquer. Et tu as vu comment Jésus t'a guéri. Tu as vu l'intervention divine. Mais comment pour la situation que tu vis là, tu as oublié tout ça? Ça, c'est l'endurcissement. Demande pardon à Dieu. Tu ressembles à ces disciples-là. Ils ont oublié les miracles de multiplication de pain. Lorsqu'ils ont vu Jésus marcher sur l'eau, ils disent, non, ça, ce n'est pas Jésus, c'est un fantôme. Ils ont commencé à crier. Là où même le Seigneur est en train d'agir, toi, tu es en train de paniquer. Alors que c'est le Seigneur qui intervient, toi, tu paniques. Cesse de paniquer parce que Jésus te dit, je suis là, c'est moi qui suis à l'œuvre. Quatrième vérité, Jésus a le pouvoir de guérir toute maladie. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de maladie incurable. Jésus est le docteur des docteurs. Je vais parler à toi. Oui, on t'a dit que c'est difficile qu'on t'opère parce que tu dois subir une opération qui est délicate et qu'il n'y a pas de matériel ici pour t'opérer. Et tu paniques, on te dit que c'est seulement en Europe ou tu dois aller en Inde. Je vais te dire que Jésus-Christ va opérer un miracle. Oui, cesse de paniquer. Regarde ce qui est d'ici. La Bible nous dit, verset 54, « Quand ils furent sortis de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus parcoururent tous les environs et l'on s'est mis à porter les malades sur les lits. Partout on l'apprenait qu'il était. » En quelque lieu qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on les priait de leur permettre seulement de toucher les bords de son vêtement. Et tout ce qui les touchait était guéri. Jésus guérit, que ce soit dans un village. Je parle à quelqu'un qui est en train de m'attendre. Tu es dans un village, tu es couché. On t'a dit que cette maladie-là, tu ne peux pas guérir. Je vais te demander maintenant, si tu as l'occasion de poser ta main sur la radio ou ce que tu es en train d'attendre là, il faut que tu crois que maintenant c'est Jésus qui te touche. Il y a la puissance de Jésus-Christ qui va te dégager maintenant même au nom de Jésus. Dis, je reçois ma guérison. Dis, je reçois ma guérison. Dis encore, je reçois ma guérison au nom de Jésus-Christ. Et crois que le Seigneur opère. Oui, il est capable. Il te guérit au nom de Jésus-Christ. Il te guérit de l'hépatite. Il te guérit du sida. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Au nom de Jésus-Christ, toi qui souffres de l'hypertension artérielle, tu as fait l'AVC et tes membres ne fonctionne plus comme il se doit. Reçois maintenant la restauration au nom de Jésus. Jésus te guérit maintenant. Tu reçois ta libération au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais que nous puissions le louer. Chantons ce cantique parce qu'il est merveilleux. Il est fidèle. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite, il est puissant, pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Dieu va nous guérir, alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Dieu va nous combler. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia, il guérit les malades, il ressuscite, il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Élevons nos voix tous ensemble. Bénissons le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est le Dieu des miracles. Il n'a pas changé. Nous te bénissons, Éternel, notre Dieu. Toi, le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu omnipotent, le Dieu omniscient. Tu es celui qui ne change pas. Sois béni, ô notre Seigneur. Toi, le Dieu digne de confiance. Nous voulons encore nous confier en toi. Toi, le Dieu qui agit au-delà de ce que nous pensons. Au-delà de ce que nous te demandons, sois béni, ô notre Dieu, de ce que malgré les vents contraires, tu es celui qui apporte la solution à tous nos problèmes. Nous t'élevons, notre Dieu, notre Seigneur, toi le seul vrai Dieu, toi qui fais cesser même les vents. Nous bénissons ton nom, ô notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, toi le Dieu qui nous touche. Merci, ô Seigneur, de nous toucher maintenant à cause de ton nom. Merci d'apporter la solution à tous nos problèmes. Ô sois béni, toi le Seigneur de gloire, le Dieu tout-puissant. Merci pour ta main puissante qui est en train maintenant de nous toucher, de briser toute puissance de l'ennemi qui s'élève contre nos vies. Nous bénissons ton nom, notre Père. Que l'honneur te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre passage du jour, c'est Marc 6, 45 à 56. Nous sommes à l'émission OSB. Cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Nous venons de voir que nous devons apprendre à crier à Jésus. Lorsque le vent est contraire, attendons-nous à un secours surnaturel. Peut-être que tu es en train de vivre un vent contraire qui souffle sur ta vie. Crie à Jésus. Quel est le vent contraire qui souffle sur ta vie? Un blocage dans ton dossier de visa. Un blocage dans ton dossier de concours. Oui, crie à Jésus. Il est capable de calmer ce vent Le vent va cesser au nom de Jésus. Priez le Seigneur. Tendre Père, je bénis ton nom, toi qui es mon rocher, toi qui exerces mes mains au combat et mes doigts à la bataille, toi qui es mon bienfaiteur, toi qui es ma forteresse, ma haute retraite, toi qui es mon libérateur, toi qui es mon bouclier, toi qui es mon refuge. Ce matin, je me tourne vers toi, ô Père éternel, et je te dis merci pour toutes les grandes choses que tu réalises dans ma vie. Toi qui exerces mes mains, ô Père éternel, je crie à toi ce matin. Je me tourne vers ton Fils Jésus-Christ et j'appelle au secours. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tout vent contraire qui souffle sur ma vie est arrêté maintenant. Que tout vent contraire, tout blocage, tout obstacle, tout ce qui m'empêche de m'épanouir sur le plan professionnel, sur le plan spirituel, sur le plan conjugal, est arrêté au nom de Jésus-Christ. Je déclare que le plan de l'ennemi, les projets de l'ennemi, les attaques de l'ennemi contre ma vie, contre ma destinée, sont voués à l'échec dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, je te rends grâce et je bénis ton nom pour la vie de ton Fils Jésus-Christ. Jésus qui nous a délivrés, Jésus qui nous équipe, Jésus qui nous fortifie et Jésus qui nous permet de traverser les obstacles, qui nous permet d'arrêter les vents contraires envoyés par l'ennemi contre notre vie. Avec Jésus, nous ferons des exploits. Avec Jésus, nous serons toujours élevés. Avec Jésus, les vents contraires cesseront contre notre vie. Merci Père éternel pour tout ce que tu fais pour nous. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que l'endurcissement nous pousse à paniquer et à oublier les miracles que Jésus a opérés. Demandons pardon au Seigneur parce que des fois nous sommes endurcis, nous sommes incrédules, nous oublions tout ce que le Seigneur a fait et nous paniquons alors que Jésus est là, il est capable, il est prêt à opérer des miracles. Prions le Seigneur pour nous demander de nous libérer de l'incrédulité, de l'endurcissement et que nous puissions croire qu'il est le Dieu des miracles encore. Prions le Seigneur. Père, nous te bénissons et nous te glorifions car chaque jour nous devons te dire merci. Nous devons t'apprécier. Nous devrions réellement te bénir parce que tu fais de grandes choses pour nous. Tu nous délivres. Tu nous affranchis. La Bible dit que tu envoies ta parole pour nous guérir. Effectivement, la parole nous guérit. Le nom de Jésus est le nom qui guérit. C'est pour cela, ce matin, je prie que nous qui avons la mémoire courte, qui oublions, qui murmurons, qui grommelons, Père, ce matin, oui, Efface nos iniquités, efface ces gens de pensées que nous avons. Efface et détruis, Seigneur, ce cœur rebelle. Sanctifie-nous. Merci, Papa, de le faire. Gloire à toi. Parce que je sais une chose, que les tempêtes de nos vies sont apaisées. Tout au long de cette année, nous avons vu les vents qui se sont levés, mais tu les as arrêtés. Nous avons vu des multiples maladies qui se sont érigées en nous, mais tu les as détruits, tu les as guéris. Nous avons vu, oui, des attaques. Nous avons été, oh Dieu, dans des accidents, dans des incidents, mais tu nous as délivrés, tu nous as libérés. Sois loué, toi notre protecteur, sois béni, notre bouclier, notre goël, sois exalté, magnifié. Chaque jour, nous avons des raisons, des bienfaits pour honorer, apprécier ton digne, glorieux, merveilleux nom. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Nous venons de voir que Jésus a le pouvoir de guérir toute maladie. Oui, que ce soit dans les villes, que ce soit dans les villages, n'importe quelle autre maladie. Toi-même, si tu es malade, continue à prier pour dire si tu reçois la guérison. Peut-être que tu as un enfant, un parent qui est malade. On t'a dit que non, tout est désespéré. Tu vas prier le Seigneur pour que maintenant même, la main puissante de Dieu le touche, le guérisse. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Nous voulons te dire merci ce matin au nom de Jésus de Nazareth, Yahweh Rapha, l'Éternel qui guérit toutes nos maladies. Nous prions ce matin, comme tu l'as dit dans ta parole, au nom de Jésus, nos enfants malades, nos époux malades, nos femmes malades, nos frères et sœurs malades, tous ceux qui sont malades, nous invoquons ce matin le nom de Jésus sur leur vie et nous proclamons la défaite de cette maladie. Nous ordonnons, nous intimons l'ordre, nous demandons à la maladie de dégager au nom de Jésus-Christ la défaite de cette maladie et la victoire de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, recevez votre guérison. Recevez votre guérison. C'est au nom de Jésus-Christ, par le pouvoir de Yahweh Rapha. Merci Seigneur, parce que tu guéris, tu libères, tu affranchis. Merci Père. Nous avons prié ce matin. Au nom de Jésus, amen. Amen. C'était OSB. Mais je voudrais vous rappeler que le premier dimanche du mois de janvier 2016, ce dimanche 3, nous aurons notre première réunion bonheur conjugal pour les célibataires. Viens entrer en possession de ton mariage cette année. Ce sera à 17h. L'entrée est libre. Ce sera au CPE dans la même cour que la radio Fréquence Vie. Au revoir et à demain.